4, 3, 2, 1, lift off. Pionnière de la conquête spatiale, Valentina Tereshkova est non seulement la première femme à être allée dans l'espace, mais elle reste aujourd'hui encore la seule femme à avoir effectué un vol solitaire en orbite. Son nom, pourtant, n'est pas véritablement inscrit dans l'histoire aux côtés de ceux de Yuri Gagarin ou de Neil Armstrong. Nous sommes le 15 juin 1963. Les Russes ont lancé conjointement les deux vaisseaux spatiaux Vostok 5 et 6 pour un vol jumelé. Dans l'un d'entre eux, la robuste Valentina Tereshkova, parachutiste d'essai surnommée la Mouette, établit la liaison radio avec son homologue masculin. Nous naviguons à une distance rapprochée. Tous les systèmes de nos vaisseaux fonctionnent normalement. Nous nous portons bien. Suivez les mots de Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste. On vous appelle Mouette, mais permettez-moi de vous appeler Valia. Je suis très fier qu'une fille de chez nous, une jeune fille du pays des Soviets, soit la première à voler dans l'espace en possession des moyens techniques les plus perfectionnés. Une femme en orbite, c'est un choc pour l'opinion publique mondiale. Les Russes marquent un nouveau point dans la course à l'espace. Il faut attendre néanmoins 19 ans pour qu'une seconde femme aille dans l'espace. Une Russe encore, Svetlana Savitskaya, qui en août 1982 passe une semaine à bord d'un vaisseau Salyut. L'agence spatiale soviétique a reconnu par la suite qu'une tentative d'accouplement humain avait eu lieu à bord entre Svetlana et l'un des occupants de la station. Ils étaient quatre. On ne sait pas lequel fut l'élu ou la victime. Le test était d'essayer de concevoir le premier enfant dans l'espace. De retour sur Terre, Svetlana déclara que pendant ce vol, elle s'était bien amusée, sans donner plus de précisions, et elle n'aborda plus le sujet par la suite. Les Américains, plus misogynes que les Soviétiques, n'ont envoyé leur premier astronaute dans l'espace qu'avec la navette spatiale. Ce fut Sally Ride, astrophysicienne de profession, qui vola à bord de Challenger 20 ans après la Mouette. Plus prude aussi, la NASA démentit une rumeur faisant état d'une expérience sexuelle qui aurait impliqué Judith Resnik au cours de la mission Discovery en 1984. Le deuxième vol de Judith lui fut hélas fatal. En janvier 1986, la navette spatiale Challenger explose 73 secondes après son lancement, tuant une autre passagère, la jeune et courageuse institutrice Krista McAuliffe, avec 5 camarades masculins. La physiologie féminine a été étudiée à bord de la station spatiale russe Mir. Mais les sélectionnées ont été beaucoup moins nombreuses que les hommes, la station étant principalement adaptée à l'hygiène masculine. Le plus long séjour d'une femme à bord de Mir est le fait d'une astronaute américaine, pour un vol de 7 mois, juste devant celui de la Russe Elena Kondakova, venue passer 6 mois pour encadrer la fin du vol marathon d'un an et deux mois du docteur Polyakov en 1995. Elle est ressortie assez éprouvée de son séjour. Ses records sont en passe d'être battus puisque l'astronaute de la NASA Christina Koch s'est installée en mars 2019 dans la Station spatiale internationale pour un séjour de 11 mois. La première et jusqu'à présent unique spationaute française a été la distinguée Claudie André Dehaye, médecin et biologiste. Elle a accompli une mission de 16 jours sur la station Mir en 1996, puis une de 9 jours sur la station internationale en 2001. Remariée au spationaute Jean-Pierre Agnoret, elle a été nommée ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur en 2002. Pour finir sur une note humoristique, l'astronaute américaine Heidemarie Stenachin-Pieper a réalisé en 2008 une première spatiale insolite. Alors qu'elle effectuait une sortie extravéhiculaire dans le cadre d'une mission à bord de la navette Endeavour, elle a malencontreusement lâché sa trousse dans l'espace. Il n'y avait pas de rouge à lèvres, mais deux pistolets à graisse, un couteau à mastiquer et des moufles. Jean-Pierre Luminet pour les chroniques de l'espace.